Nombre chapitre 34. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, commande aux enfants d'Israël, et leur dit, parce que vous allez entrer au pays de Chanaan, ce sera ici le pays qui vous échéra en héritage, le pays de Chanaan selon ses limites. Votre frontière, du côté du Midi, sera depuis le désert de Tsin, le long des Dômes, tellement que votre frontière, du côté du Midi, commencera au bout de la mer Salée, vers l'Orient. Et cette frontière tournera du Midi vers la montée d'Akrabim, et passera jusqu'à Tsin, et elle aboutira, du côté du Midi, à Kadébarné, et sortira aussi en Atsaradar, et passera jusqu'à Atsmon. Et cette frontière tournera depuis Atsmon jusqu'au torrent d'Égypte, et elle aboutira à la mer. Et quant à la frontière d'Occident, vous aurez la grande mer et ses limites, ce vous sera la frontière occidentale. Et ce sera ici votre frontière du septentrion, depuis la grande mer vous marquerez pour vos limites la montagne d'or. Et de la montagne d'or vous marquerez pour vos limites l'entrée de Hamath, et cette frontière se rendra vers Tseda. Et cette frontière passera jusqu'à Ziphron, et elle aboutira à Tsarénan, telle sera votre frontière du septentrion. Puis vous marquerez pour vos limites vers l'Orient, depuis Hatsarénan vers ses femmes. Et cette frontière descendra de ses femmes à Ribla, du côté de l'Orient d'Agen, et cette frontière descendra et s'étendra le long de la mer de Kinneret, vers l'Orient. Et cette frontière descendra au Jourdain, et se rendra à la mer Salée. Tel sera le pays que vous aurez, selon ses limites tout autour. Et Moïse commanda aux enfants d'Israël, en disant, c'est là le pays que vous hériterez par sort, lequel l'Éternel a commandé de donner à 9 tribus, et à la moitié d'une tribu. Car la tribu des enfants de Ruban, selon les familles de leur père, et la tribu des enfants de Gad, selon les familles de leur père, ont pris leur héritage, et la demi-tribu de Manassé a pris aussi son héritage. 2 tribus, dis-je, et la moitié d'une tribu, ont pris leur héritage en deçà du Jourdain de Jéricho, du côté du Levant. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, ce sont ici les noms des hommes qui vous partageront le pays, Éléazar le sacrificateur, et Josué, fils de Nun. Vous prendrez aussi un des principaux de chaque tribu pour faire le partage du pays. Et ce sont ici les noms de ces hommes-là, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu des enfants de Siméon, Samuel, fils de Amu. Pour la tribu de Benjamin, Elida, fils de Kislon. Pour la tribu des enfants de Dan, celui qui en est le chef, Buki, fils de Jogli. Des enfants de Joseph, pour la tribu des enfants de Manassé, celui qui en est le chef, Aniel, fils d'Elpho. Pour la tribu des enfants d'Ephraïm, celui qui en est le chef, Kemuel, fils de Siftan. Pour la tribu des enfants de Zabulon, celui qui en est le chef, Elitsaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des enfants d'Issachar, celui qui en est le chef, Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des enfants d'Azé, celui qui en est le chef, Ahinu, fils de Selomi. Et pour la tribu des enfants de Nephtali, celui qui en est le chef, Pédael, fils de Amu. Ce sont là ceux auxquels l'Éternel commanda de partager l'héritage aux enfants d'Israël, dans le pays de Chanaan.